J'ai pas raison de pas avoir confiance. S'il y a de l'argent à faire, ils vont le faire, ils vont l'exploiter. Ça, pour moi, il y a pas l'ombre d'un doute. Est-ce qu'on peut y mettre quand même des conditions ou des exigences pour qu'après le départ, on se retrouve pas avec une ville où il y a plus rien?